OK, on va continuer dans Luc, si vous voulez tourner là, dans le chapitre 1 de l'Évangile de Luc. Quel est le but de Luc? Luc avait un but quand il écrit cela. Donc, il écrit à une personne qui était appelée Théophile, ses amis, on pense, une connaissance du moins, et il veut que Théophile ait une certitude profonde dans son cœur que tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'on lui a enseigné, était vrai. On ne sait pas qui l'avait enseigné à Théophile. Est-ce que c'était Luc lui-même qui avait déjà parlé? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? On ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est que Luc juge bon d'envoyer à Théophile des arguments, des preuves, des données pour qu'il puisse être convaincu dans son être intérieur que ce qu'il a entendu est vrai. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la conviction qui est dans notre cœur, que ce que nous croyons est vrai, ne vient pas seulement que de l'intérieur. Le Saint-Esprit aurait pu convaincre Théophile que c'était vrai. Des gens, des chrétiens très spirituels, auraient pu dire, Dieu va te convaincre. Cet esprit est en toi, puis il va te convaincre que c'est vrai cette affaire-là. Mais il semble que ce n'était pas tout à fait ce que la pensée de Luc. Luc veut donner à Théophile aussi des arguments humains, des noms, des places, des villes, des personnages. Il veut aller voir, il dit, j'ai fait des recherches exactes auprès des témoins oculaires. Et je suis bien convaincu personnellement que quand Luc a eu fini, Luc était lui-même plus convaincu de ce qu'il croyait. Lui-même était plus convaincu. Moi, je suis allé en Israël 2000 ans plus tard, et ça m'a convaincu plus encore que ce que je croyais était vraiment correct. Juste parce que j'ai eu des preuves terre à terre, tangibles. J'ai vu des villes, j'ai vu des lacs, j'ai vu des montagnes. J'étais allé me promener en bateau, ce que Jésus a marché sur l'eau, sur un lac. Je me dis, Jésus un jour a marché sur ce lac-là, tu sais, là. J'ai vu des places. Ça m'a donné une conviction que ce pays-là, ce que je lis à tous les jours, que j'étudie, existe vraiment. C'est pas dans les airs, c'est pas quelqu'un qui a inventé ça. J'ai vu le calvaire, puis il dit que le calvaire, ça s'appelle le crâne, puis j'ai vu, c'est vraiment la forme d'un crâne. Il y a vraiment des trous dans la roche qui fait penser aux yeux, puis un nez, tu sais, une tête de squelette. Ça fait vraiment penser à ça. Mais ils ont raison, c'est ce que je lis, c'est vrai. Voyez-vous, c'est un argument bien, bien terre à terre, ça. Mais pourtant, ça nous aide à être convaincus que ce que nous croyons, c'est vrai. Donc, il ne faut pas être plus spirituel que le pape, comme on disait en québécois. Hein? Il faut s'asseoir et dire, oui, Luc a donné à Théophile des choses vraiment terre à terre, qui a fait des recherches, que humainement parlant, il a fait toutes les recherches qu'il pouvait faire. Il y avait un professeur qui s'appelait Roger Nicole. Il dit, allez toujours plus loin que vous pensez d'être capable dans votre tête, humainement parlant. Et laissez le rester au Seigneur. Mais allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire par vous-même. Voyez-vous comment c'était la même pensée, la même vérité qui était derrière. Des fois, en tant que chrétien, on peut devenir un peu paresseux intellectuellement, parce que oh, Seigneur va me montrer. Oui, mais t'es bien mieux de chercher toi aussi. T'es bien mieux de chercher toi aussi. Parce qu'il y a toujours ces deux côtés de la médaille qui vont ensemble. Le Seigneur va pourvoir à tes besoins, mais tu seras bien mieux de travailler. Tu sais, on fait humainement parlant, on fait tout ce qu'on a à faire. Puis on laisse le reste au Seigneur. Donc, c'est jamais désaxé la foi. C'est jamais désaxé. Vous allez voir, dans les mouvements qui sont sortis de la vérité, qu'on appelle ça aujourd'hui des faux mouvements, des mouvements hérétiques, des mouvements des sectes qui ne suivent plus là-bas. Ils sont obligés d'aller dans une direction ou dans l'autre. Ils sont devenus très, très mystiques ou très, très terre-à-terre, puis il n'y a plus rien de spirituel. Ou ben non, c'est juste spirituel. Mais il faut garder l'équilibre. Dieu m'a choisi, mais j'ai choisi le Seigneur. Les deux vérités sont là. Et les deux sont 100% vrais. Pas 50-50, 100% les deux. Et donc, on a vu que Luc, la première chose qu'a parlé avec Théophile, c'était la visite de l'ange Gabriel à Zacharie. Qu'est-ce qu'il dit à Zacharie? C'était quoi le message? Oui. Oui. Oui, c'est vrai. Mais je vais avoir un petit bout de plus. Il dit, ta femme va devenir enceinte, mais c'était pas ça l'important. C'était, qu'est-ce que le bébé va faire? C'est qui ce bébé-là? Qu'est-ce qu'il va faire, ce bébé-là? C'était le précurseur du Seigneur. Il n'a pas appelé Jésus, mais il a appelé le Seigneur. Parce que nous, on sait que c'est Jésus. Parce que dans leur tête, le Seigneur, c'était plus que Jésus. C'était Dieu, dans la tête de Zacharie. Il dit, c'est lui qui va préparer le chemin du Seigneur. C'est lui qui va ramener le peuple à Dieu, afin de préparer un peuple bien disposé pour recevoir le Seigneur, qui était le Messie. Pour nous autres, on sait que c'est le Messie. Donc, il dit, il s'en vient quelqu'un, parce que lui, il veut présenter, dans le fond, il veut donner à Théophile un argument que Jésus, c'est quelqu'un de spécial. Donc, c'est spécial, il est spécial parce que celui qui envoie est spécial. Celui qui va envoyer, préparer. Quelle était la tâche de ce Jean-Baptiste-là? De préparer la voie du Seigneur. Donc, puis lui a préparé la voie de Jésus, donc Jésus, c'est le Seigneur. Voyez-vous, c'est l'argument est facile à comprendre. Donc, Jean-Baptiste étant le précurseur, le prophète de quelqu'un, puis Jésus va dire lui-même, c'est l'homme le plus grand qui est venu avant lui. C'était le plus grand des prophètes. Pourquoi? Parce que c'était lui qui avait la tâche de présenter le Messie, pas parce qu'il était un homme plus important que d'autres, mais sa tâche était de présenter le Seigneur. Il dit, moi, je vous ai dit ça une fois qu'il y avait une peinture au Louvre, c'est assez une grande dimension. J'essaie de voir, je dirais la moitié de la photo, de la murale qu'il y a là, et sur la photo, on voit juste un gros doigt. C'est juste qu'un gros doigt comme ça qui pointe. Puis dans le fond, dans la brume du tableau, il y a une espèce de personnage dans la brume du tableau. On voit qu'il y a quelqu'un là dans l'arrière. Puis en bas, c'est marqué, ça c'est le doigt de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le peintre avait illustré ça. Un doigt. Je suis un doigt. Il disait, mon rôle c'est de pointer vers quelqu'un. Et Jean-Baptiste pointait vers le Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu. C'est ce qu'il disait, voici l'agneau de Dieu. C'est lui que vous devez suivre, c'est lui que vous devez aller. C'est lui qui enlève le péché du monde. Donc son rôle, c'était de pointer vers la personne de Jésus. Donc lui étant quelqu'un de spécial, son rôle, c'était de pointer vers Jésus. Et ensuite, on a vu la deuxième visite de Gabriel, c'était la visite à Marie. Qu'est-ce qu'il dit à Marie? Elle aussi, il a dit qu'elle était pour devenir enceinte, donc répétez-moi pas cela. Je sais pas si je veux en avoir un peu plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas devenir enceinte, puis c'est quoi le hic? C'est quoi? Parce que je pourrais dire ça à quasiment toutes les femmes du monde. Tu vas devenir enceinte, puis ça serait correct. Mais il y avait du spécial, là. Non. C'est pas ça que je vais avoir. Il a dit ça, c'est vrai, il a dit ça. Mais c'est pas ça que je vais avoir. C'est qu'il dit. Quelqu'un de spécial, il dit tu vas naître de. Le fils qui va naître, ça va être le. Le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Ça va être le roi d'Israël. Il va régner sur Jacob. Ça va être le Fils du Très-Haut. Donc, il dit, et elle, elle répond, ben, je ne connais pas d'homme, donc je n'ai pas de relation sexuelle, donc je ne peux pas devenir enceinte. Puis elle n'avait pas le droit de l'avoir, avant un certain temps. Donc, elle dit, comment on va faire pour devenir enceinte? Une question assez terre-à-terre, n'est-ce pas? Pas une question de doute, une question de compréhension. Comment je vais faire ça? Il dit quoi? Cet esprit va survenir sur toi et tu vas devenir enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il dit à Théophile, ce gars-là est très spécial. Cet enfant-là va être très, très spécial. Et c'est la première fois qu'on voit dans le Nouveau Testament où est-ce qu'il présente les deux natures de Jésus. Nature humaine et nature divine. Et je dirais que c'est le fondement, en grande partie, de notre foi. C'est le fondement de notre foi. Si Jésus n'est pas un homme, il ne peut pas nous sauver. S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas nous sauver. C'est le fondement de notre foi. Jésus doit être humain, mais il doit être aussi Dieu. Et si Théophile reçoit la vérité à travers Luc, à travers Gabriel, qui vient de Dieu, cet enfant-là va avoir deux natures. Nature humaine, parce qu'il est né d'une femme, et nature divine, parce que son père, c'est Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est tout. Et ça l'explique, je l'ai dit à Sainte-Posé, ça l'explique beaucoup de passages de la Bible qui ne seraient pas compréhensibles si on n'avait pas cette vérité-là. Si on n'avait pas ce fait-là. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah sont complètement d'impatates. Là, je ne parle pas contre certaines personnes, je parle de leur doctrine. Ils sont complètement des patates parce qu'ils ne croient pas que Jésus, c'est Dieu. Donc, il y a beaucoup de passages qu'ils interprètent faussement. Parce qu'ils ne croient pas qu'il est Dieu. Donc, ça ne se peut pas. Il n'est pas Dieu. Donc, s'il n'est pas Dieu, ben, là, il y a un paquet d'interprétations que tu dois prendre autrement. Parce que nous, on dit que c'est Dieu. Donc, on dit, ben, c'est à cause qu'il est Dieu qui a fait ça. C'est à cause qu'il est Dieu qui peut faire ça. C'est à cause qu'il est Dieu qui peut nous sauver. C'est à cause qu'il est Dieu qui peut revenir et ressusciter dans les morts. C'est à cause qu'il est Dieu. Les autres disent, non, il n'est pas Dieu. Donc, il faut qu'il interprète. Il dit, il n'est pas ressuscité. Il n'est pas vraiment ressuscité, Jésus. C'est un autre corps que Dieu lui a donné, mais il n'est pas vraiment ressuscité. Donc, il interprète un paquet de choses de travers parce qu'il n'accepte pas que Jésus a deux natures, nature humaine et nature divine. Et pour nous, en tant que chrétiens, quand on lit, on doit garder cet équilibre-là entre les deux. Puis là, des fois, on dit, ben là, oui, on comprend parce qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'il savait ces choses-là. Ah, ben là, OK, là, il pleurait, ah, ben c'est parce qu'il était humain. Okay? Ah, il a sué du sang devant la croix, oui, il était humain. T'sais, donc, on peut comprendre parce qu'on sait qu'il y a deux natures. Mais si on n'a pas ça, on décroche. Et ce matin, on va commencer une série de deux ou trois études sur. On va aller dans une autre étape. Luc, maintenant, va interpeller, va appeler à la barre le Saint-Esprit directement. Il va dire, maintenant, il va faire intervenir Élisabeth, Marie, Zacharie, qui va dire étant rempli du Saint-Esprit, ils ont dit des choses. Étant rempli du Saint-Esprit, il a dit des choses. Marie va dire des choses. Élisabeth va dire des choses. Donc, Luc va dire, ce n'est pas Élisabeth qui dit ça. Ce n'est pas Marie qui dit ça. Ce n'est pas Zacharie qui dit ça. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Donc, c'est important pour moi de savoir ça. Parce que ce qu'un homme, un être humain dit par lui-même, c'est bien le fun, mais je ne suis pas prêt à mettre ma vie spirituelle sur ces faits-là. Je ne suis pas prêt à baser juste mon éternité sur ce qu'un homme dit. Ça me prend un peu plus que ça ici, mais il met cet esprit dedans. Et si vous n'avez pas, si vous n'étiez pas là quand j'ai enseigné sur être rempli du Saint-Esprit, demandez l'étude à Sharon, être rempli du Saint-Esprit, et revisez ça. Parce qu'on ne prendra pas le temps de tout expliquer ça dans l'Épître de Luc, l'Évangile de Luc. Parce que Luc est le seul dans le Nouveau Testament, où, à part de Paul une fois dans Éphésiens, qui emploie cette expression rempli du Saint-Esprit. C'est le seul. Les autres apôtres n'emploient pas cette expression-là. Et là, nous, en tant que bons étudiants, il faut savoir qu'est-ce que Luc voulait dire quand il disait ça. Pas qu'est-ce que Pierre veut dire ou qu'est-ce que Jean veut dire. Qu'est-ce que Luc voulait dire quand lui disait ça. Et ici, ça va être très important pour nous de savoir que ces personnes-là, étant remplies du Saint-Esprit, vont dire des choses on va voir ensemble, ne pouvait pas savoir autrement. Humainement, ils ne pouvaient pas savoir. Donc, cet esprit a fait des choses dans leur vie de façon très spéciale. Le Saint-Esprit a utilisé des personnes pour faire des révélations. C'est ce qu'on va voir et c'est ce qui est important pour nous. Ce n'est pas quelle personne a fait des révélations, c'est quelles révélations ils ont eues, ces personnes-là. Des fois, on arrête pour. Certaines personnes vont mettre Élisabeth sur un poteau et vont dire on va prier Élisabeth parce qu'elle a eu des révélations. Ça n'a pas d'importance, c'est Élisabeth. Dieu aurait pu mettre un enregistreuse, puis il aurait pu pisser sur le piton, ça aurait fait la même chose. Il aurait pu faire parler un poteau, il aurait pu faire parler un âne, il aurait pu faire parler une roche, et ça aurait fait la même affaire. Et on ne va pas commencer à adorer les poteaux. Donc, Élisabeth a eu un rôle à jouer. Mais Élisabeth, c'était rien d'important comme tel. Nous, ce qui est important pour nous, c'est est-ce que ce que Élisabeth a dit, ça vient d'où? Ça vient du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit lui a dit de nous dire? C'est ça qui est important, parce que c'est la révélation que je veux avoir, et non pas le porteur de la révélation comme tel. Maintenant, on va regarder ça. On va commencer avec Élisabeth, si vous voulez bien, et on va regarder ce qui s'est passé là. Dans, et c'est le verset 39, si je ne me trompe pas. Non. Oui, c'est ça, 39, excusez. Chapitre 1, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Pourquoi est-ce qu'elle part en hâte? Marcel, tu l'as dit tout à l'heure. Pourquoi elle part en hâte vers les villes, vers Juda? L'Esprit avait, l'ange avait dit, plutôt pas l'Esprit, mais l'ange avait dit à Marie, ta parente est aussi enceinte dans son âge avancé. Et elle va aller voir. Elle va aller vite voir ça. Donc, on présume qu'elle ne le savait pas. Puis le texte nous l'avait dit, parce que pourquoi elle ne savait pas? Pourquoi elle ne savait pas que sa parente était enceinte? Normalement, elle aurait dû le savoir. Elle s'était cachée, elle avait caché ça. C'est pas ça avait mis une robe plus grande pour pas pouvoir pas montrer quand sa banane grossissait un petit peu. Mais je sais pas. Mais elle s'est cachée pendant 5 mois au moins. Donc, Marie, elle ne savait pas. Fait que même si elle l'avait rencontré, probablement qu'Élisabeth aurait essayé d'y cacher ça. Mais là, l'ange lui a dit, et aussitôt qu'elle le sut, Marie décide d'aller voir sa parente, Élisabeth. Parce que c'est un phénomène, là. La petite vieille est enceinte. Elle t'a passé l'âge. C'est comme si moi, on aurait reçu un téléphone et on m'avait dit que ma mère était enceinte quand elle avait 80 ans. J'aurais tombé sur le taupe. J'aurais échappé le téléphone. J'aurais dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas. Ça aurait été ma réaction normale. Voyons, non. Et là, qu'est-ce que tu dis? Mais tout était prévu qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Donc, ce n'était pas capable d'en avoir à 40 ans. C'est à 80. C'était une autre histoire. Mais l'ange lui dit, c'était un miracle de Dieu. Hein? Elle savait. Donc, elle va voir. On ne sait pas toutes les raisons pourquoi elle va voir. Mais moi, je crois qu'étant humaine comme moi, elle voulait bien aller voir si ce que l'ange avait dit était vrai. C'est-tu bien vrai? Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Y a-t-il d'autres mots que tressaillit dans leur Bible? Tout le monde a la même chose? Dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Voyez-vous ce petit mot-là? Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » On va commencer cela, on va voir si on est en train d'aller plus loin. La réaction de l'enfant d'Élisabeth. Aussitôt que Marie arrive, elle va voir Élisabeth, et aussitôt qu'elle lui dit bonjour, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait, shalom, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait ça dans sa langue, dans sa coutume, mais aussitôt qu'elle lui a fini de lui dire bonjour, l'enfant bouge dans son sein. Est-ce que c'est normal qu'un enfant bouge à 6 mois? Ben oui. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial, là? As-tu bougé d'une façon spéciale? La Bible ne nous dit pas. Elle tressaillit dans le sens de son sein. Mais elle, Élisabeth, va interpréter ça d'une façon spéciale. Elle va l'interpréter. Parce qu'à ce moment-là, quand l'enfant bouge, elle, en même temps, il arrive quelque chose dans sa vie, elle est remplie du Saint-Esprit. Elle n'était pas avant. Elle n'était pas avant. Elle fut remplie à ce moment-là. Et elle fut remplie aussitôt que l'enfant a tressailli. En même temps, elle est remplie du Saint-Esprit. Et elle interprète ce mouvement de cet enfant-là d'une façon très spéciale. Là, il y a un grand débat. Il y a un grand débat à savoir est-ce que Jean-Baptiste, qui était dans le sein de sa mère, avait compris d'une façon quelconque que, à travers la peau, à travers le placenta, à travers tout ça, il a compris que Marie était là et qu'elle était enceinte du Messie. Il y a un grand débat chez les chrétiens. Voilà. C'est le verset que j'ai écrit ici. Chapitre 1, verset 15. L'ange dit à Zacharie, cet enfant-là va être rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Ça, c'est assez spécial. Il y a un mouvement, je ne me souviens pas du nom, que j'ai rencontré un homme qui était là-dedans, et il m'a dit, les élus de Dieu, ceux qui sont élus dès la fondation du monde, le Saint-Esprit vient en eux, commence à les diriger dès le sein maternel, comme Jean-Baptiste. Je connais ce verset-là pour dire ça. Pas tout à fait d'accord, personnellement. Mais ici, ça s'est passé, là. D'une façon quelconque qu'on ne peut pas expliquer, nous, l'Esprit-Saint a travaillé dans cet enfant-là, qui était là, dans le ventre d'Élisabeth, et lui a fait comprendre quelque chose de spécial se passait là. Et l'enfant a bougé, peut-être d'une façon spéciale, je ne sais pas, mais d'une façon quelconque, c'est que, étant rempli dans le sein de sa mère, je peux vous dire que ce n'est pas tous les enseignants qui diraient ça. C'est mon interprétation. Donc, vous avez le droit d'en avoir un autre. Et si vous voulez en trouver un autre, vous savez, il y a d'autres théologiens qui pensent autrement. Je ne vous dis pas que j'ai la science infuse ce matin. Mais je l'interprète de même. Okay? Que c'est ce 1,15-là, chapitre 1, verset 15, ce qui dit que Jean-Baptiste va être rempli du Saint-Esprit, c'est là que ça se manifeste. Que c'est la seule chose qu'on a qui se passe pendant qu'il est dans le Saint-Esprit. Et on voit qu'il a compris quelque chose qui se passait, que Marie était là et que le Messie était présent. Ici, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on sur l'expression « fut rempli ». Le texte ici, pour juste donner une petite idée, « fut rempli du Saint-Esprit ». En français, le verbe est à quel texte? Tu qui connais sa grand-mère? Non, « fut rempli ». Non, c'est un passé. C'est un passif. Ça veut dire quoi? Le sujet subit l'action. Le sujet subit l'action et ne fait pas l'action. Elle ne s'est pas remplie du Saint-Esprit. Elle s'est faite remplir par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait un acte en Élisabeth comme en Jean-Baptiste. Être rempli d'esprit ne dépend pas de nous. Ça dépend du Saint-Esprit. Et toutes les fois que cette expression-là revient dans Luc et dans les Actes des Apôtres, toujours, le verbe est au passif. Ça ne dépend jamais de celui qui est rempli dans le fait qu'il est rempli. C'est, il a subi l'action de quelqu'un d'autre dans sa vie. Le Saint-Esprit est venu sur Élisabeth, il l'a rempli, et Élisabeth a fait de quoi? À la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les 120, s'il y en avait 120, et il les a remplis sans qu'il le demande, sans qu'il fasse rien, il les a remplis et ils ont parlé en langue. Ils ont subi l'effet d'être remplis. Ce n'est pas nous qui nous remplissons. C'est nous avons été remplis par le Saint-Esprit. C'est une action divine. C'est une action complètement souveraine de la part de Dieu. Quand les gens vont vous dire, remplis-toi du Saint-Esprit, dites-lui qu'il y a à se faire. C'est pas mis dans le trafic. Le Saint-Esprit vous a rempli du Saint-Esprit. C'est fait. Il ne faut pas se comparer avec Élisabeth. Elle était avant la Pentecôte. Elle a été remplie. Le Saint-Esprit est sorti et n'était plus rempli. C'était fini. Nous, on était remplis une fois, le jour de notre salut, pour l'éternité. On n'est jamais pas rempli. On est toujours plein. Le Saint-Esprit est venu en nous et il nous a remplis de sa présence et c'est terminé. On est toujours là. Il est toujours là. Il ne va jamais partir de là. Dans l'Ancien Testament, il venait, il partait. Il venait, il partait. Dans le Nouveau Testament, il est venu. Et quand il est rentré en moi, il a rempli, bon, je pourrais dire, mon cœur, si j'emploie l'expression, de sa présence. Et je suis rempli pour toujours. Et elle étant remplie ici, du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va la pousser à dire quelque chose. Et c'est ça qui est important. Et je vous encourage, si vous avez le temps, faire une petite étude, prenez une concordance, prenez Luc et les Actes des Apôtres, sortez toutes les fois le mot rempli du Saint-Esprit, faites une recherche, ça va vous aider à être convaincu de ce que je vous ai dit, je pense que c'est correct. Et quand le Saint-Esprit remplit quelqu'un, il y a toujours des effets. Il y a toujours des effets. Le Saint-Esprit ne va jamais remplir quelqu'un et qu'il n'y a pas d'effet. Il y a toujours des effets. Il y a toutes sortes d'effets. Et Zacharie, on va voir dans une couple de semaines, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Donc, il va annoncer des choses, il va parler de la part de Dieu. À une autre place, c'est marqué Siméon. On va voir, on va utiliser Siméon un peu plus loin. Siméon va être rempli du Saint-Esprit et il va faire des choses. Il va se rendre au temple, il va prendre le petit Jésus qui arrive, là, si on l'appelle le même petit Jésus, parce qu'il était petit à ce moment-là, il le prend dans ses bras, puis il lève et dit, voici le salut d'Israël. Comment est-ce qu'il fait pour savoir ça? C'est l'Esprit qui avait dit ça. C'est qu'il avait conduit là. Donc, c'est l'Esprit, le terme c'est poussa. Il a poussé Simon. Une place dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Même Jésus, rempli du Saint-Esprit, on va voir au chapitre 4, il est parti et s'est allé au désert. Jésus parlait au désert par lui-même. Étant rempli du Saint-Esprit, la Bible nous dit, le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert afin qu'il soit tenté. Le Saint-Esprit pousse, dirige, conduit, avertit. Le Saint-Esprit il travaille dans la vie des gens dans lesquels il habite, continuellement, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Vous ne pourrez jamais l'arrêter de faire ce qu'il a à faire. C'est lui qui a pris le contrôle de notre vie quand il habite en nous. Ça, c'est une vérité moi, qui me fascine, qui m'émerveille de comprendre ça, que le Saint-Esprit est en moi, Dieu est en moi, et il a pris contrôle de ma vie, et il me dirige, il me conduit, il m'illumine, il me fait comprendre, il me convainc, il me fait un paquet d'affaires en dedans de moi. Il est là pour y rester. pour y rester. Je suis le temple du Saint-Esprit. Maintenant, regardons la révélation qu'il a faite, qu'elle va dire, qu'elle va donner. Verset 42. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. En français, ça paraît un petit peu moins. Dans la langue originale, tu es bénie, c'est employé, c'est un superlatif. C'est un superlatif. Ça veut dire quoi quand on dit que c'est un superlatif? C'est plus que. Ici, le texte dans la langue originale, il nous dit que tu es la plus bénie de toutes les femmes. C'est ça qu'elle va dire. Toutes les générations vont me dire bienheureuse. C'est la même pensée, là. Il dit, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes de tout l'État. Tu es la femme la plus spéciale qu'il y aura jamais. Oui. C'est assez intéressant, ça. Marie, elle devait se dire, ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi je suis si spécial que ça? Là? Mais en même temps, elle dit, ton enfant aussi, c'est au superlatif. Lui, il est béni entre tous les enfants du monde entier. Vous êtes deux personnages spéciaux. Vous êtes bénie entre toutes les gens sur la terre. Il n'y en aura pas d'autres comme vous autres. Marie était la seule femme du monde à devenir enceinte de Dieu. Hein? C'est la seule comme ça. Puis c'est la seule qui est devenue enceinte étant vierge. Il n'y en a pas eu d'autres. Il y en a qui essaient de nous faire croire ça. Vous savez, dans les anciennes religions, avant Jésus, il y a des prophétesses qui sont devenues enceintes aussi, sans être avec des hommes. Jésus, ce n'est pas la première histoire qui est sortie comme ça. Il y en a d'autres histoires aussi dans l'ancienne Égypte. Il y a une femme qui était une prophétesse, je ne me souviens pas du nom, qui s'est devenue enceinte par un rayon de soleil qui était Dieu, qui était la manifestation de Dieu, et s'est devenue enceinte comme ça aussi. Donc, tu sais, si vous avez jamais lu le livre La Plagiat, le christianisme, c'est une plagiat de l'Égypte, une copie. Il dit avoir dans le livre une mauvaise copie de la foi égyptienne. Tu m'avais parlé de ça, le livre Christ païen, ouais, le Christ païen, ça vient de certaines vérités qui sont là, dans ce livre-là aussi, dans ce sens-là. Donc, mais ici, c'est spécial. Donc, Marie, elle est bénie entre les femmes, entre toutes les femmes du monde, et le fruit de ton entrailles, donc l'enfant que tu as, est aussi béni entre tous les enfants du monde. C'est la première chose qu'elle dit. Pour qu'elle puisse dire ça, elle ne pouvait pas dire ça par elle-même en tant qu'humaine. Il faut que le Saint-Esprit qui a fait dire ça. Parce qu'elle était remplie, puis elle dit ça. Donc, automatiquement, Théophile dit, bon, OK, ce personnage-là, cette femme-là, cet enfant-là, qui sont là, ça va faire quelque chose de spécial. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe là. C'est la femme la plus importante du monde, dans ce sens-là, et l'enfant le plus important qui va passer dans ce monde aussi. Et là, elle dit au verset 43, « Comment m'a-t-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » La mère de mon Seigneur. Donc, de façon divine, elle est avertie que Marie est enceinte d'abord. Parce que Marie non plus, il n'y avait pas dit. Donc, elle le sut par la puissance de son esprit. Elle a eu une révélation que Marie est enceinte. Parce que si elle le sut, puis elle est partie, puis Elisabeth avait 6 mois, Marie, ça ne paraissait pas encore. Là. Okay, même si ça faisait 3-4 jours, maintenant une semaine ou 2 semaines au plus, même si ça aurait fait 3 semaines, premier bébé, 3 semaines, ça ne paraît pas fort. Mais elle le sait. Elle sait que Marie est enceinte, mais elle sait même de qui elle est enceinte. Elle est la mère du Seigneur. C'est là que devient le verset, la vérité qui dit que Marie est la mère de Dieu. C'est de ce verset-là que les catholiques se servent pour dire que Marie est la mère de Dieu. Puis que souvent, nous, on dit, non, elle n'est pas la mère de Dieu, elle est la mère de Jésus. Le texte dit, elle est la mère du Seigneur. La mère du Seigneur. Et dans le cœur d'un juif, nous, on va comprendre, avec la naissance de Jésus et tout cela, que Jésus est ce Seigneur-là. Mais ici, c'est vraiment spécial. Elle est la mère de mon Seigneur. Puis tout à l'heure, elle va parler que, juste le verset un peu plus bas, les choses que... Ici, là, entre chapitre 1 et chapitre 3 ou 4, là, il est très difficile de faire la différence entre... vous ne pouvez pas séparer Seigneur de Dieu. Seigneur, c'est Dieu. Dieu, c'est Seigneur. Dans la tête d'Élisabeth, Marie était la mère de Dieu. Fait que faisons attention quand on dit à quelqu'un, Marie n'est pas la mère de Dieu. Si elle sort ce verset-là, vous allez avoir de la misère à expliquer le verset sans vous autres extrapoler et dire, oui, mais elle voulait dire la mère de Jésus. Mais il faut l'expliquer un petit peu autrement, je crois, ici. Mais ce qu'il faut faire sortir ce matin, c'est qu'Élisabeth sait, par la puissance du Saint-Esprit, que Marie, elle est enceinte. Et l'enfant qu'elle porte, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est Dieu qui est là dans son sein. Et elle dévoile cette vérité-là. Et Marie le sait parce que l'ange lui avait dit qu'elle serait enceinte du Fils du Très-Haut, ça s'appelait le Fils de Dieu, qui serait le roi d'Israël. Elle savait ça. Mais elle a dû être surprise de voir qu'Élisabeth le savait. Qui te dit ça, toi? Qui te dit ça, toi? Donc, il se passe des choses assez extraordinaires dans ces quelques instants-là, dans ces quelques minutes-là. Et ensuite, au verset 45, « Heureuse celle qui a cru, parce que ces choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc, elle dit à Marie, Le Saint-Esprit dit à Marie, ou Dieu dit à Marie à travers Élisabeth, tout ce que je t'ai dit, tout ce que l'ange te dit, ça va s'accomplir. Donc, elle sait que Marie a réussi, a eu des révélations, et elle confirme que tout ce qu'elle a entendu de la part de Gabriel, ça va s'accomplir. Donc, quelle est la révélation qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle a reçu comme révélation? Essayons de résumer ça. Qu'est-ce que Théophile entend, là? Qu'est-ce que nous, on entend aujourd'hui? Qu'est-ce que Élisabeth, par le Saint-Esprit, dit? OK. Elle est enceinte, elle est la mère de Dieu, la mère du Seigneur, et qu'à cause de cela, ça l'a fait d'elle la femme la plus importante, si on peut l'appeler comme ça. Son enfant, elle, est spéciale. Et donc, et elle est la mère de Dieu. Marie est enceinte, et l'enfant qu'elle porte, c'est la mère, c'est le Seigneur. Et qu'il y a eu des révélations. Là, Théophile, c'est assez intelligent, vous pouvez, comme vous et moi, reculer un chapitre, aller voir ce que l'ange dit à Marie, s'il ne s'en souvient pas, aller voir ce que l'ange dit. Voici ce qu'il va dire. Donc, cet enfant va être le fils du Très-Haut, il va être le roi d'Israël, il va être le fils de Dieu, il va régner éternellement. Et c'est vraiment spécial qu'est-ce que c'est qu'il va s'accomplir. Donc, Théophile, à partir de là, pouvait s'arrêter et dire, bon, cet enfant-là, ça va être le Messie. Il pouvait s'arrêter pour dire, s'il connaissait un petit peu l'Ancien Testament, il pouvait dire, cet enfant-là qui va naître, c'est le Messie. Mais c'est pas sûr que tout conclut que ça, mais il aurait dû conclure que c'était le Messie. Parce qu'il avait, l'ange lui a dit à Marie cela. Donc Marie part, elle, à son tour. On va en faire un petit bout. Mon âme exalte le Seigneur. Marie, à son tour, va partir. Et elle on ne dit pas qu'elle était remplie du Saint-Esprit. Mais elle va dire des choses qui semblent dépasser un peu la capacité humaine. Mais ce n'est pas écrit clairement que c'était une révélation du Saint-Esprit. Mais on appelle ça, quand j'étais jeune, on appelait ça le Magnificat. Vous avez déjà entendu le mot? Le Magnificat de Marie. Le mot magnifique, c'est un chant. Hein? C'est un peu une espèce de poème que Marie elle a composé. C'est un chant et c'est quelque chose qui est chanté. Si on avait la langue originale, il y a une tournure poétique là-dedans. Alors, ça paraît un petit peu moins en français, parce que c'est toujours difficile de traduire de la poésie dans une autre langue. C'est beaucoup imagé. Marie va dire ceci. En entendant ce qu'Élisabeth dit, elle va dire, « Mon âme exalte le Seigneur. » De qui elle parle ici, le Seigneur? C'est une conclusion. J'ai d'autres choses qu'elle dit là? Dieu. Donc, on pourrait faire les deux. C'est très difficile de séparer les deux. Mais elle a dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu. Donc, je suis obligé de conclure à cause de la poésie que c'est Dieu capable. Elle ne parle pas de l'enfant en dedans d'elle. Elle parle de Dieu, le Seigneur. Parce que dans la langue, là, c'est une répétition. Un peu comme dans les psaumes. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc, ici, Marie dit, si nous, c'est parce qu'on est dans ce côté-ci de la croix. Ceux qui étaient avant la croix, c'était Dieu le sauveur. C'était pas Jésus. Avant la croix, Dieu avait dit dans l'Ancien Testament des centaines de fois, il n'y en a pas d'autre sauveur que moi. Il n'y en a pas d'autre sauveur que moi. Je suis ton sauveur, Israël. Il n'y en aura jamais d'autre sauveur. C'est pour ça que quand on voit arriver Jésus, on est obligé de dire que c'est Dieu. Parce qu'il y en avait, Dieu avait dit, il n'y en aura pas d'autre sauveur. C'est moi ton sauveur, Israël. Donc, quand Jésus arrive et qu'il dit, je suis le sauveur, il dit, tu m'entends maintenant s'il y a quelque chose qui ne marche pas? Parce qu'il y a juste un Dieu. C'est pour ça qu'on est capable de dire ça. Ils viennent tous les deux ensemble, puis sont tous les deux le sauveur finalement. Mais Marie a dit cela. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Donc, il y a une grande joie dans la vie de Marie. Et cette joie-là est causée par quoi? Qu'est-ce qui cause la joie de Marie? à cause de ce qu'elle a entendu, hein, par l'ange et par Élisabeth. Il y a une grande joie dans son cœur. Elle exalte, le mot exalter, c'est élever, soulever. Elle exalte. Elle a une grande joie dans son esprit, dans son être intérieur, parce que Dieu est son sauveur. Et Dieu est son Seigneur. Et elle veut, elle a entendu des choses merveilleuses, là. Et du fait que, encore plus pour elle, que c'est elle qui avait été choisie pour que ces choses-là se passent en tant que femme. Donc, c'est vraiment une je crois que, ça, pour moi, je me disais cette semaine, pendant que je méditais, je préparais ça, je me disais, est-ce que moi, mon âme et mon esprit sont encore dans la joie, comme cela? Est-ce que je suis encore prêt à chanter? Juste le fait de m'arrêter, voir qu'est-ce que Dieu m'a fait à moi? Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Elle parle de son Seigneur, mon Sauveur. Bien, nous autres, on peut dire mon Seigneur, mon Sauveur aussi. Et je me dis, il y a de la grande joie dans sa vie à Marie, à ce moment-là dans sa vie. Tout à l'heure, on va voir Siméon qui va dire, une épée va transpercer le cœur, puis tu vas pleurer amèrement. Mais pour ce moment ici, là, l'annonce qu'elle entend, le message qu'elle reçoit de la part de Gabriel et de la part d'Élisabeth, de la part de Dieu, lui donne une joie merveilleuse dans son cœur. Je crois que c'est... Et là, elle va expliquer, dans les versets qui vont suivre, pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle pense là? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Y a-t-il d'autres traductions à part que bassesse? Le sommeur dit humble sur son humble servante. Et la tobe, elle va dire... Il regarde sur son humble servante. Beaucoup de traductions traduisent « humble servante » sur la bassesse. Donc, il y en a qui parlent que Marie est en train de dire « Dieu m'a pris, moi, une pauvre femme, pauvre, pas connue, non, faisant pas partie d'une famille spéciale, n'étant pas dans la famille royale. Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Et il m'a élevé, parce qu'il dit, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureux. Donc, elle dit, il m'a pris au plus bas, puis il m'a élevé à la femme la plus importante du monde. Donc, Marie se réjouit de ça. J'ai un petit peu de misère avec cette interprétation-là. Il y a d'autres théologiens, un petit peu plus rares, il y en a quelques-uns, qui prennent le mot bassesse ici, c'est comme Marie parle plutôt spirituellement parlant. Marie parle de son état spirituel. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse, sur l'incapacité spirituelle de sa servante. Et il va lui donner une possibilité de s'en sortir. Il va lui donner un sauveur, il va lui donner un seigneur. Il va lui donner... Et Marie ici avoue son indignité à d'être choisie comme étant la mère du Seigneur. C'est, en tout cas, je vous encourage à... Il est difficile à interpréter un petit peu le mot parce qu'il n'est pas utilisé souvent dans les Écritures. Et c'est, moi, j'irais dans cette direction-là. Marie, ici, avoue son incapacité ou son ingratitude ou son le fait qu'elle est indigne d'avoir été choisie pour être la mère de Dieu, la mère du Seigneur. Et c'est un... Marie a dit, Dieu a jeté le regard sur moi, mais il a vu le besoin qu'on avait. Il a vu le besoin qu'on avait. Et il a décidé de m'utiliser pour rencontrer ce besoin-là qu'on avait d'être sauvé. Puis elle dit au verset 49, « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. » Donc, Elle dit, il m'a choisi, il a jeté les yeux sur moi, il m'a pris, et il m'a élevé, il a fait de moi quelqu'un de très important. Si on le prend juste au niveau humain, c'est vrai que Marie va changer de statut, de ce sens. Elle va devenir la mère du Messie. Mais humainement parlant, est-ce quelque chose qui va changer? Elle va rester la pauvre femme qu'elle était. En plus, elle va être obligée de se cacher, fuir, s'en aller en Égypte, elle va fuir sa ville. Puis personne ne va croire que cet enfant-là, c'est le roi du ciel, le roi d'Israël, qui est le roi du ciel, puis que c'est Dieu fait chair. Il n'y a personne qui croit ça, là. Il va mourir, puis quasiment tout le monde ne l'aura pas cru. Donc, Marie, quand elle dit, tu m'as pris dans l'humilité et tu m'as élevé, je pense pas qu'elle est en train de dire, ils vont me prier maintenant pendant des milliers d'années. Je pense pas qu'elle pense ça. De quoi qu'elle parle? C'est ça que je dis qu'elle parle plutôt de spirituellement, parce que spirituellement, là, sa vie va changer. Elle va passer de la mort à la vie, elle va passer des ténèbres à la lumière, et sa vie va être transformée pour toujours. Je crois qu'elle elle parle plutôt de cela que de dire, maintenant, je loue Dieu, je bénis Dieu parce que j'étais une pauvre femme, maintenant je vais devenir la mère du Messie et je vais être quelqu'un d'important. Je pense pas qu'elle pense ça. Je pense pas que c'est ça que le Saint-Esprit voudrait qu'on comprenne. En tout cas, c'est pas mon idée personnelle. Humainement parlant, je sais que Marie a pu penser ça. Hein? Humainement parlant, on est assez tortueux pour penser ça. Puis Marie était aussi humaine comme nous. C'est vrai, hein? C'est pareil comme dirait François, je t'annonce que tu vas avoir un enfant, puis il va devenir le premier ministre du Canada. Tu dis, oh, c'est le fun, ça, c'est intéressant. Ça va nous donner des privilèges. On est assez tortueux pour penser ça. Hein? Tu sais, la petite annonce, le 649, faites attention. Comment vous comportez avec les gens qui gagnent le 649, ceux qui achètent le 649, parce qu'un coup qu'il gagne, si tu n'as pas été gentil avec lui, tu n'auras pas. Mais c'est pareil ici. Marie, je crois qu'elle voit un petit peu plus haut que ça. En tout cas, je pense. Et qu'elle est en train de parler. Dieu a fait de grandes choses pour moi. C'est qu'il m'a pourvu d'un Messie. Il m'a pourvu d'un Sauveur. Il a regardé ma situation spirituelle. Il sait comment je suis basse. Il sait comment je ne mérite pas. Mais il m'a choisi quand même. Il a fait de grandes choses pour moi. Il m'a donné le privilège de faire naître le Messie qui va devenir mon Sauveur. Devenir mon Sauveur. Et je crois que c'est plutôt ça qu'elle parle et que de son statut social qui va changer dans ce sens-là. On va arrêter là. On continuera la semaine prochaine, il est déjà 1h30. On continuera ça ensemble, puis on commencera à regarder Zacharie ensemble, qui va dire d'autres vérités. Et c'est impressionnant, hein, que tout ce qu'on dit sur cet enfant avant qu'il soit né, avant qu'il soit au monde, on dit des choses de lui qui nous envoient dans une autre dimension. C'est un monde miraculeux, ça. Et j'aimerais en terminant dire, nous qui avons le Saint-Esprit maintenant, est-ce que le Saint-Esprit nous révèle encore des choses semblables? Est-ce que le Saint-Esprit va nous révéler? Faisons attention. Comment est-ce qu'on interprète ça? Parce qu'il y en a qui vont dire, cet esprit a révélé à Élisabeth des choses comme ça, ou il va révéler à Zacharie des choses. Il nous en révèle encore aujourd'hui. Beaucoup de gens croient ça. Puis là, ils vont dire que Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé par cet esprit telle affaire, Dieu m'a montré par telle affaire, Dieu m'a conduit par cet esprit. Faisons attention, qu'est-ce qui fait de bien comprendre que peut-être qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait là? Et que nous, le Saint-Esprit est en nous. Mais est-ce que le Saint-Esprit va nous révéler encore notre avenir? Est-ce qu'il va nous dire, si notre femme tombe enceinte, qu'est-ce qu'elle va avoir comme enfant? Il faut faire attention de voir ici que nous sommes dans un entre-deux. Hein? La fin de l'Ancien Testament, le nouveau du début, il se passe des choses miraculeuses, hein? Parce que la venue du Messie arrive. Donc, il ne faudrait pas penser maintenant que le Saint-Esprit va être là dans nous, qu'il va commencer à nous révéler. Parce que si le Saint-Esprit vous révèle au même niveau qu'à Luc, vous allez pouvoir écrire l'Évangile selon Saint-François ou l'Évangile selon Jean. Ben, si c'est de la révélation comme au même niveau, avec la même teneur, il faudrait écrire un autre livre pour que tout le monde l'ait dans l'Église. C'est pas la même chose. Ça n'existe plus, ce genre de révélation-là, maintenant. Ça n'existe plus. Et nous, on est dans un autre domaine, la Nouvelle Alliance. Et je suis bien content, parce que si je n'étais pas dans la Nouvelle Alliance, le Saint-Esprit partirait, comme il a fait avec Élisabeth. Il viendrait me voir, il me dirait, fais ça, François, puis ça s'en irait. Et j'aime mieux l'avoir tous les jours de ma vie avec moi, et qu'il me dirige tout le temps, qu'il me conduise par la vérité, que de cette façon-là. Donc, nous allons voir, là, un petit peu la semaine prochaine, si on va en reparler, de ce grand privilège d'avoir le Saint-Esprit en nous. Prions ensemble. Notre Père du ciel, on te remercie. Je te remercie que tu nous dis ce matin par Élisabeth que tu as envoyé ou que tu es venu, toi. Tu t'es incarné, tu t'es fait chair. Tu es venu dans le sein d'une femme pour naître parmi nous. On a chanté tout à l'heure, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Et quel abaissement, quelle condescendance de ta part de prendre une nature humaine, de te limiter ainsi. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te remercions que ces quelques versets ont été écrits, dans la Bible, afin qu'on puisse savoir que ce n'est pas Élisabeth qui a dit ça, une femme, mais c'est le Saint-Esprit qui a dit ça. Pour que tous les chrétiens du monde puissent être convaincus dans leur cœur que cet enfant qui est né, c'était le Seigneur. On te remercie aussi que, par la bouche de Marie, tu dis que Dieu est mon sauveur. Donc, c'est mon sauveur, c'est parce qu'il m'a sauvé. Et on te bénit, Seigneur, pour cela. Et on te demande de faire en nous la même œuvre que tu as faite dans Théophile. Convainc-nous. Rends-nous toujours de plus en plus forts dans la foi de ce que nous croyons est vraiment la vérité. Et nous te bénissons au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va chanter, si vous voulez bien. Vous en allez? Pas de problème. On fait juste vous dire salut. Bonne journée. Les autres qui sont restés, on va chanter ensemble « Que ma vie te glorifie ». Ma vie te glorifie, que ta vie te glorifie, Seigneur. Thank you.